claquer. Tu vas finir à genoux, tu tiendras pas le bout si tu veux mon avis. Oh putain, c'est manga 2. J'reviens pour découper le beat. Non, cette fois j'ferai pas ça à la va-vite. Mon gars, j'suis toujours solo, mais j'suis tellement bien sur l'instru. T'as l'impression qu'on est en feat. Mon public donne là ce fort, j'suis reconnaissant, bien évidemment. Donc j'leur donne des sons lourds. Et des Alphonse m'ont dit que c'était ce qu'on appelait l'échange équivalent. J'ai l'effet ballant quand j'pense à la concurrence dans le rap, je vise haut. J'ai pas dévoilé toutes mes cartes, vendées pas la peau du dragon noir, regardez Yu-Gi-Oh! Oh putain, tu ressens la force du bail. Bien sûr, le flow vient d'une autre planète. Quant à ceux qui pensaient que j'étais qu'un feu de paille, non, j'suis l'explosion qui a fait sauter Namek. Rapper pour moi c'est trop facile, tel l'italien qui cuisine pâte en Sicile. La plume est agile, le stylo fait d'argile. Comme des darages, t'envoies pas des punchs que des missiles. Ce texte une missile, destiné à faire kiffer tous mes otaku et tous mes geeks. J'ai pas vraiment le temps pour te l'expliquer. Recherche manga dans la barre de Netflix. J'suis pas encore le meilleur, pas d'inquiétude, j'suis au boulot. Je suis même pas à 30%, comme disait Gims ou Toguro. À 100%, faudra être préparé, j'fais du lourd cette année. C'est que le début, 2018, ça y est, j'vais rien laisser passer. Vous êtes prévenus. La vie est dure, mais pour m'en sortir, j'attends pas après la pierre philosophale. Je me débrouille, on va passer les obstacles, détruire les murs avec la force du titan colossal. Je tiens les rênes de ma vie, je suis dans la bonne direction, sens de l'orientation similaire à celui de Nami. Dit Ace, pas dans la discrétion, prêt à foutre le boxon. Je ne marche qu'avec des bonhommes dans l'équipe, zéro femme lettre, zéro starlet. Fuck les envieux, les traîtres, je les enverrai tous pêtre. Ceux qui retournent leur veste à la Erza Scarlett. J'ai ni la sagesse, ni la patience du Dalai Lama. Je mets les barres sur le T et qu'un point sur le I pour mettre fin à la Saitama. J'ai plus le time pour la concurrence, bah ouais. À chaque punch, des one punchline, noir 6 les pages. Trop de flow prévoyé, bah ouais. 24 piges, toujours pas trouvé l'âme sœur. Bien sûr que ça devient vital. Je veux trouver une meuf avec qui je pourrais voir mon avenir et qu'un super boule de cristal. J'ai pas d'alter ego, tu veux m'imiter. T'as pas de bol, j'ai le flow de tous les anciens MC en moi, je maîtrise le one for all. J'ai de la peine pour ceux qui m'aiment pas, ceux qui veulent me ken. Vous êtes à la traîne, vous le savez même pas, mais je suis increvable, je suis au couteau no candy. Fais gaffe à moi, ok, tu vas finir à genoux, tu tiendras pas debout si tu veux mon avis. Oh putain, c'est manga 2. Fais gaffe à moi, ok, tu vas finir à genoux, tu tiendras pas debout si tu veux mon avis. Oh putain, c'est manga 2.